Chapitre 10e. Il y a au fond de l'amour humain un grand désir de création. George Fried s'attacha passionnément à Pulcheri, comme le poète à une œuvre qu'il médite, comme le sculpteur au bloc de marbre dont il veut tirer la vie. Ce n'était point cette créature incomplète et douteuse que le docteur poursuivait d'un désir infini. C'était l'idéal de cette femme à demi réalisée qu'il voulait atteindre dans les profondeurs mystérieuses de la préscience divine, pour la forcer à sortir du néant, où elle restait comme enveloppée. L'intelligence de Pulcheri ressemblait à ces belles images de Daphné, à demi engagée dans une écorce opaque et envahissante qui la retient en captivité. Il fallait briser ses liens et tirer de sa prison cette âme immobile dont les yeux voilés n'avaient pas encore vu la lumière. Il y avait une femme dans Pulcheri comme il y a une statue dans le bloc informe de marbre, mais il fallait la dégager. George Fried se fit l'artiste de cette création mystérieuse. Les premiers essais furent longs et laborieux. L'organisation robuste de Mademoiselle de B opposait aux efforts de George Fritz une insensibilité désespérante. Les signes réitérés, les souffles énergiques qui portent d'ordinaire le trouble, le sommeil dans les membres engourdis, les regards fixes, posés d'aplomb sur les yeux vagues et noyés du sujet, ne rencontraient dans cette fille inanimée que l'inertie stupide de la matière. Autant eût valu magnétiser une borne. Le jeune docteur commençait à perdre patience et à renoncer à la chimère tant caressée de créer dans cet être imparfait une femme à son image. Cette lutte entre le jet créateur de Georges et le sujet rebelle, inerte, grossier, sur lequel s'exerçait son action, offrait en petit une image de Dieu, luttant avec la masse informe du monde brut et primitif pour en tirer les premières manifestations de la vie. À force de persévérance et de travail, à force de couver en quelque sorte ce chaos moral dans lequel s'agitaient pêle-mêle les éléments froids et diffus d'une formation à venir, Fritz obtint pourtant quelques signes extérieurs qui lui permirent d'espérer. Ces signes incohérents et désordonnés ressemblaient néanmoins à ces premiers phénomènes monstrueux que la nature naissante développa sans règle sur le monde. La science nous apprend en effet que le globe habité par nous passa par une longue enfance avant d'arriver à travers une série d'expériences et d'améliorations croissantes, jusqu'à l'état solide et adulte où l'homme le trouva à son avènement. George Fritz, encouragé par ses premières ombres fugitives, sans doute d'une vie encore latente et vague, dont il était impossible de saisir les lois, continua ses premiers essais avec plus d'ardeur que jamais. Le flambeau de l'intelligence à la main, il chercha à pénétrer dans les profondeurs ténébreuses de cette créature imparfaite et morne, tout entouré de néant et n'y échappant que par une sorte de végétation interne commune aux plantes et aux zoophytes.